Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est l'édition anglo des palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue à l'édition anglophone des Palmarès C'est fou pour la semaine du 19 avril 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. C'est la dernière édition anglophone seulement des Palmarès C'est fou. Fini la ségrégation linguistique à partir de la semaine prochaine. Alors, on s'en reparlera. Pour l'instant, on a du travail à faire. Donc, on a un palmarès complet anglophone à entendre, top 20. Et la semaine passée, le numéro 1, ben, c'était Los Campesinos avec We've Got Your Back, leur album Romance is Boring. On commence l'émission avec un bloc de trois nouvelles entrées. On va entendre Zeus et Tegan and Sarah un petit peu plus tard, mais on débute avec Charlotte Gainsbourg avec Time of the Assassin. Et c'est tout de suite au 89.1 FM. C'est myself and give up the ghost. I turn in my mind what I'm already knows. In the time of the assassins, they say. nouvelle entrée. Waiting for your chance to get away. Planning your escape for days and days. You can feel the earth under your feet. You are like a dog who roams the streets. And how does it feel? How does it feel? How does it feel? Mais qu'est-ce qu'on dit de ce joli petit bloc de nouvelles entrées? C'était pas merveilleux, ça. On vient d'entendre Zeus avec How Does It Feel en 18e. Avant, c'était Tegan and Sarah avec The Ocean. Un autre extrait de leur album Sainthood en 19e. Et en 20e, au début du bloc, c'était Charles Gainsbourg avec Time of the Assassin de l'album IRM. Vous êtes dans l'édition anglophone seulement des Palmarès, c'est fou. Et dans le prochain bloc, il va y avoir du Airborne ainsi que The Pinecones. Mais on débute avec une autre... Attention, on se calme ici. Il va y avoir de Pinecone, c'est OK, go, on débute avec S.A.E., c'est ça que je voulais dire. Donc, voici la pièce One O.N.E. qui monte d'une place, c'était le beau à se passer. Hein? Décalé un de d'une coche, à peine. Ça paraît pas, ça, oui, hein? Je suis pas en diagonale, là, même, on remet ça au niveau, puis on est parti. Yeah.

I use to describe you. When she comes around, I almost lose my mind, but I try to hide it. La formation de Pinecones avec Sage, hey, c'était fort ça. Sage, ça descend de 3 places, c'était précédé de OK Go avec Needing Getting qui monte d'une place et on a débuté le bloc avec une autre pièce qui monte de une. C'est Yes Ayer avec O.N.E. de leur album Hot Blood. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou et on se tape un top 20 des pièces les plus aimées, les plus appréciées des animateurs nombreux ici à C'est Fou. Dans le prochain bloc, on va entendre The Job avec Problem qui est stable et qui est là depuis 8 semaines quand même. On débute ça avec Airborne, ça descend de la 7e, donc de 7 places. Voici No Way But The Hard Way. Au 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Allez nous écouter en direct sur Internet au www.cfou.ca. Retour de Job, You Say Party, We Say Die, Danko Jones et Plants and Animals dans les Palmarès C'est Fou, édition anglo. Numéro 13. The Job et Problem stable en 13e position. Anglophone, juste avant, c'était Airborne avec No Way But The Hard Way qui descend de la 7e, donc de 7 places. C'est sur leur album No Guts, No Glory. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. Et on se continue ça avec l'autre bloc. Il va y avoir Danko Jones tout à l'heure avec I Wanna Break Up With You. Mais avant ça, c'est You Say Party, We Say Die avec Laura Palmer Strom. Je vous rappelle que c'est la dernière édition anglophone seulement des Palmarès, c'est fou. Demain, ce sera la dernière édition francophone seulement. Cet été, la paix dans le monde, les gens, les races se rassemblent, les langues ne se sont plus frontières, les gens reviennent ensemble. Oh. Wow! numéro 11. Danko Jones et I Wanna Break Up With You, stable en 11e position sur l'album Below the Belt. Avant d'entendre You Say Party, We Say Die avec Laura Palmer Strum, ça descend 6 places et sur leur album Quadruple X. C'est dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou et c'est ce bloc-là qui nous amène exactement où on voulait être à la moitié du palmarès. Hein? Très important comme point, c'est là qu'on sauvegarde et qu'on sort les chips pour savourer le reste. Bon. Alors, prochain bloc, on va entendre Colorado avec Riverside. Ça descend de une, mais avant ça, on va entendre quelque chose qui est stable. Voici The Mama Papa par Plants and Animals au 89 FM. C'est fou, ça! Avec Riverside, ça descend d'une place. Et avant ça, c'était Planet Animals avec The Mama Papa qui est stable en dixième. Wow, que j'aime ce bloc-là. J'espère que vous l'aimez vous aussi. J'espère que vous aimez les palmarès assez fous complets. Hein. Aujourd'hui, c'est l'édition anglophone, mais il y a une édition francophone aussi qui aura lieu demain pour la dernière fois entre 13h et 15h. Donc, soyez à l'écoute. Après ça, ben, je le rappelle, cet été, les deux vont être fusionnés ensemble comme une diffusion qui n'était pas nécessaire ni voulue. Va refusionner après. Hein? Bon! Prochain bloc, on va entendre Las Capucinos avec l'ancien numéro 1 de la semaine passée, We've Got Your Back, mon début avec Camera Romance. Ça monte d'une place, voici Out of Luck au 89 FM. C'est fou, ça! Hein? Hein? Hein? Ben oui, ben c'est fou. Je vais pas vous dire des affaires que vous savez déjà. Hein? Yeah. fucking on. It's like fucking forth. We've got you back, whatever that's worth. If your hero told you to go up a shop, you are what you knew. I do not know. Every girl I ever kissed, I was thinking of a broke up butter. So you should know. I've je te dis. C'était Cameron Mans avec Out of Luck. Ça monte d'une place. C'est vraiment très, très bon. Même chose pour Los Campesinos, ce qu'on a aussi entendu avec We've Got Your Back. Ça, c'est l'ancien numéro 1. C'est maintenant en 7e place. On écoute Hot Chip dans quelques minutes avec Alley Cat. Mais avant, voici Andrew Valentine. Ça descend d'une. The Stalker. Restez là au retour, on entre dans le top 5 avec Hot Chip, Dr. Dog, Flight of the Conchords et Mad Caps au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou, édition, là. Cradle them in both our laps. needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. Hot Chip avec Alley Cat, l'ancien numéro 2, maintenant en cinquième position du palmarès anglophone. Avant ça, c'était Hunter Valentine avec The Stalker qui descend d'une place sur leur album Lessons from Late Night. Comme je disais, vous êtes dans l'édition anglophone des palmarès, c'est fou. Il nous reste seulement les positions 4 à 1 à entendre. On va bientôt savoir qui est notre nouveau numéro 1 parce que vous savez, si vous étiez avec nous tout à l'heure, Los Campesinos n'est plus en première. C'est maintenant en septième place avec We've Got Your Back. Bref, on sera tantôt. Pour l'instant, on a encore un petit peu de musique à entendre. T'sais. Bon, il nous reste, quoi, je dirais, un bloc ou deux avant d'entendre la position numéro 1. Donc, dans le prochain, il y a Dr. Doug avec Stranger qui monte de, wow, quand même 16 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée en 19e. Mais avant ça, voici Madcaps qui descend d'une place. C'est Stone au 89.1 FM. Oh, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Hein, je dis ça comme si c'était vraiment, c'est comme, wow, là! Hein? La pièce Stranger de Dr. Doug monte directement de la 19e place pour venir s'insérer en 3e. Ça, c'est un méchant grand saut de 16 places parce que c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Avant, c'était Madcaps avec Stone qui descend d'une place. C'est donc la 4e position anglophone. Sur album Juice, formation du coin qu'on aime bien, Madcaps, c'est assez fou. On a presque terminé, il nous reste 2 pièces et le temps file. Donc, allons-y tout de suite entendre la position numéro 2. C'est Rocky Erickson avec Otterville River et Bring Back the Past. Ça aussi, ça monte beaucoup de 18 positions. C'était nouveau en 20e place la semaine passée. Et on continue à l'instant en 89 FM. C'est fou. Oui. Après ça, ça va être le numéro 1. Hein, numéro 1, juste après. Understand. et en première position. I see tonight will be made of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even like it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better odds, more broad, less rods. I can't do battle. Get out of what they count from. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. Vous devez être déçus, j'ai pas fait de jeu de mots avant la pièce comme je le fais d'habitude. Hein? C'est quand même décevant pour vous autres, j'en suis sûr. Avant de dire le numéro 1, on va faire un petit résumé du top 5. En 5e position, c'est Hot Chip avec Alley Cats. En 4e, Mad Caps avec Stone. En 3e, Stranger de Dr. Doug. En 2e, Break Back the Pass par Rocky Erickson et Ockerville River. Et on vient d'entendre le numéro 1 qui fait un retour à la première position. Hein? Ça, c'est quand même une histoire assez spéciale pour Flight of the Conchords et Too Many Dicks on the Dance Floor. Ça a commencé évidemment en nouvelle entrée. Ça a sauté pas mal au numéro 1 en très très peu de temps. Ça a redescendu un peu, ça remonte au numéro 1. C'est pas mal beau ça, avoir une pièce comme ça qui a du succès. Donc voilà pour Flight of the Conchords. L'album s'appelle I Told You I Was Freaky. C'est la fin de la dernière édition seulement anglophone des Palmarès C'est Fou. On va se retrouver jeudi en 13h et 15h pour la dernière de la version seulement francophone des Palmarès. Tout ça est rassemblé les vendredis soirs à 17h, même pour le reste de l'été. Par contre, ce qui va changer avec le temps, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on va être en version fusionnée des Palmarès C'est Fou. Ça va être les lundis à partir de 15h tout l'été. Et on rappelle les vendredis à 17h, donc soyez là. Les auditeurs du vendredi nous quittent pour aller dans le fond dans la version francophone. Ça va être encore moi, mais ça va être juste un jour différent dans la vraie vie, mais vous en rendrez même pas compte, ça paraîtra pas pantoute. Nous, en direct le mercredi, on continue avec une dernière demi-heure. Il va y avoir le top 10 électronique et le top 10 des radios universitaires et communautaires. Alors, restez avec nous. Vous êtes assez fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Toujours en direct dans les Palmarès, c'est fou. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et là, c'est la portion de l'émission où je peux dire qu'on est en direct parce qu'on est en direct et il n'y a pas de rediffusion de tout ça. C'est toujours bien, bien fun pour moi, tu sais. Yeah! Donc, cette dernière demi-heure, si vous ne la connaissez pas, habituez-vous pas trop, attachez-vous pas, parce qu'il nous en reste seulement deux avec celle d'aujourd'hui, des petites demi-heures comme ça où on passe notre temps à regarder ce que se trame, je pense que c'est un beau mot, dans le top 30 des CD, dans le top 3 des disques canadiens, dans le top 10 loud et dans le top 10 électronique, dans le palmarès des radios universitaires et communautaires. Donc, tout ce qui peut être mis en forme de palmarès et fité dans une émission comme la nôtre, c'est ça qu'on joue. On va commencer la dernière demi-heure de l'émission d'aujourd'hui, hein, avec le palmarès électronique compilé par Jean-François Fecteau de l'émission Le Vestibule les samedis à 21h. Il y a quelques nouvelles entrées, j'en vois trois. En 9e, on trouve Daedalus avec Righteous Fists of Harmony. En 5e, il y a Caribou avec Swim. Caribou qu'on joue assez fréquemment dans l'assemblage requis, c'est vraiment très très bon ça. Et la dernière nouvelle entrée fait partie du top 3 et c'est le top 3 qu'on va entendre aujourd'hui. Alors commençons tout de suite à l'instant par cette nouvelle entrée. En 3e place, on trouve New Young Pony Club avec la pièce The Optimist, avec l'album The Optimist, oui. Et la pièce s'appelle Rapture. Voilà, c'est l'album qui est en 3e position. Faut toujours le retenir ça. C'est toujours bien important de se rappeler que c'est des albums dans le top électronique. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, on est en train d'écouter le top 10 électronique et même le top 3 de ce top 10. Ça, c'était la position numéro 3. C'est un album qui s'appelle The Optimist. C'est le deuxième album de la formation britannique New Young Pony Club. La pièce s'appelle Rapture. Avant, on a entendu la pièce Mikado. Non, en fait, c'est Colin. Pas dans le bon ordre. Moi qui voulais très bien faire ça, c'est raté. Ça, c'est la pièce de la position numéro 2, le deuxième album. Là. C'est la pièce Mikado d'Akido, qui est le projet du Montréalais Kim Gabouri. C'est tiré de la réédition de son deuxième album Blink, qui est sorti en 2007 à l'origine. Avant ça, on a entendu la pièce Rapture de la formation britannique New Young Pony Club. C'est tiré de leur deuxième album The Optimist. Et ça, c'est la position numéro 3 du palmarès électronique. Il nous reste la position numéro 1 à entendre. Voici The Answer featuring Big in Japan du duo britannique Uncle. C'est tiré de leur album Where Did the Night Fall. C'est la première position du palmarès électronique. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, au 89.fr. Ouais, définitivement un très très bon top 3 électronique, j'aime beaucoup ça. Si vous voulez entendre le reste du top 10 électronique, écoutez donc Le Vestibule samedi soir à 21h, c'est animé par Jean-François Fecteau. C'est lui qui compile ce top 10 électronique. Ça c'est la pièce The Answer featuring Big in Japan du duo britannique Uncle. C'est tiré de l'album Where Did the Night Fall, qui est en première position de ce palmarès-là. Maintenant, on va terminer l'émission avec un petit peu de palmarès Earshot. Vous savez, Earshot, earshot-online.com, qui est le palmarès des radios campus et communautaires du Canada. Et si on regarde leur top 50 pour la semaine qui se termine le 20 avril 2010, on trouve en 10e Hannah Georges, une artiste canadienne. En 9e, Dum Dum Girls. En 8e, She and Him. En 7e, Young Rival, qui est canadien. En 6e, The Pack AD, aussi canadien. Même chose pour la 5e, Ghost Keeper. En 4e, c'est Gorillaz. Et le top 3 est canadien au complet. The Bessner Lakes en 3e, Mark Salton en 2e et Plants and Animals avec La La Land en 1ère. On va entendre deux extraits, c'est les 6e et 7e positions. On va entendre pour commencer la formation de Pack AD avec leur nouvel album We Kill Computers qui sort le 27 avril. C'est un groupe de Vancouver. Et après ça, quelque chose qui m'intrigue pas mal, hein, parce que on en parle beaucoup sur iTunes, sur la page principale du iTunes Store. C'est la formation Young Rival d'Ontario. Et leur album est sorti le 13 avril. On va entendre la pièce Got What You Need. J'ai pas dit le nom de la pièce de Pack AD qu'on va l'entendre, elle s'appelle Crazy et c'est ce qui va commencer dans les prochaines secondes au 89 FM et on se retrouve juste après le pont, hein, avec Assemblage Requis. Restez là au 89 FM, c'est fou! Oh oui!